à chanter la France à l'ami au fond d'une cuvette bien merdeuse en attendant les trente glorieuses. Dis-moi qu'on sera toujours les rois et qu'on n'a pas peur des Chinois. Dis-moi qu'on vit dans l'opulence et que les clochards ont juste pas de chance. Dis-moi que la crise comme Tchernobyl s'est arrêtée à la frontière et qu'on n'aura jamais le cancer. Tout finira par s'arranger. Tout finira par s'arranger. C'est pas vrai, y'a pas de misère, on mange pas parce qu'on a pas faim. Et puis pourrait y avoir la guerre, alors franchement de quoi on se plaint. L'éducation se porte à merveille, et pour la santé c'est pareil. Si on a perdu le triple A, c'est que standard d'aide pour nous aide pas.